Bonsoir. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. Yes, you are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you are listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir Freddy. Et bonsoir Romain. Comment Hello. Va? Eh ben très très bien. Très très bien. I have a little something special tonight. I would like to say hi to my buddies, Adric and Liam. Yay. Hey! Hi! Hey kids! Hey guys! Hi! D'ailleurs, il faut dire bonjour. Voilà, on ne parle pas français, on s'en fout. Mais bonjour. Bonjour Liam et... Adric. Adric. Voilà. Nice. Voilà, c'est fait. So, Deux ans et 6 ans. Nice. Hey. Oh, okay. Biggest fans. Yeah. Biggest fans. Yeah. We'll take it. Yeah. Hey, the show was there before they were born. Yeah. Before and my kids were born. Yeah. Not me, but my kids at least. So. And it will still be around after we're gone. Maybe. I don't know. Well, we won't. Maybe we can force your daughter and my kids to take over. Yeah. No time. No, don't want to do it. Okay. We'll see. But I'm not tired of it yet. No. No. We're still in the mood. Yes, in the groove of things. So one of the things that we're not going to do tonight, but I talked to you guys about, is one of these Tuesday, I don't know when, instead of a Bonjour Minnesota show, which typically play songs only in French language, and, you know, we talk about this and that, is to play one of the first influences, Radio Show Therapy. Mm-hmm. Which is also French artists. Yeah. Yeah, it's broader because it's influences. So sometimes I play non-French artists or like non-Francophone artists. But they are inspired by me. Yes, that must be all it. All comes back. All the roads lead to Romain. Yeah. Everybody knows that. Everybody knows that. And sometimes the language is also the big difference because there are some bands like Caravan Palace or Boogie Belgic or Jane, who sings in English. But they are French or Belgium or that sort of things. So, one of these days we'll do that. Tonight, it's a special vin, or vendange. Voilà. And I swear, we don't have any booze. No. Nope. And I don't think anything. We can really consider wine booze. Oh, is booze only for hard alcohol? No, but wine is an art de vivre. It's too refined. Yes. You're so French and pretentious. I am with Romain on that one. Yeah, well, there's also le gros rouge. Ah bah oui. Voilà, il y a aussi le pinard. La vinasse, le gros rouge pitage. Oui, mais on n'est pas du même monde. So, the big red is the very cheap wine. On est mondain. mondain. The big red is there's some names like gros rouge or vinasse where it's to describe like very cheap wine. So. Table wine, yes. Yeah. Table wine typically is like it's in between. I'd say it's more like the $10 to $15 a bottle here, maybe going down to $8. But the Gros Rouge typically is like, you really go like even $2 to $3 category lower. Yeah, it's cheap wine. Voilà. But c'est tout. It does the job, or at least the job intended. So it's going to be about wine and vendange. And, harvest. Vendange de l'amour. Is it there? Yeah, no, I don't think so. Marais la forêt. Oh yeah, it is. Yeah. Okay then. But I think it's by the end. So that's why I didn't remember. All right. Eh ben très bien. So what are we going to listen to first? Well, we're going to start with. That'd be nice if I was on the correct playlist. Yeah. Please. Yes. All right, we're going to start with funny songs. The first one is presque pareil. And the name of the song is Est-ce que tu viens pour les vendanges? So the name of the band, presque pareil, means like almost the same. And it's a parody of Est-ce que tu viens pour les vacances? David et Jonathan. That was a very big success. Oh, yeah. So this is about the vendanges, and turns out that they have a relationship and they have a lot of play on words about. And one day we should play Les Nuls. They did a parody too. Qu'est-ce que tu vends pour les vacances? And there are two guys from Le Sentier talking about jeans and Nice. After that, we're going to listen to Les Zouilles with La Vendange, and then Robert Latreille with La Vigne au Vin. Eh ben, c'est parti. On y va. Let's go. T'avais des bras très longs, t'avais six doigts, c'était mignon. T'en vendangeais des tas, 20 kilos, quand j'en faisais trois. L'enjambeur, c'est marrant, ce surnom t'allait comme un gant. J'ai moins fait le malin. T'as fait de moi ton raisin. Est-ce que tu viens pour les vendanges? Tu pourrais réparer la presse. Tu y essaies, je pense, un peu en avance, mais c'est long pour changer les pièces. Est-ce que tu viens pour les vendanges? Dormir avec toi, c'est l'ivresse. Tu y essaies, je pense, un peu en avance. Et je suis sous pression et ça m'oppresse. Au moment de fouler, c'est là que j'ai vers tes pieds. Le 58, c'est bien, pas plus grand, même chez les Roumains. Taillé très bien, et bien ça, ma vigne se souvient de toi. Et parfois en tirant sur ma pipe, je repense au bon temps. Est-ce que tu viens pour les vendanges? Tu pourrais réparer la presse. J'y essaie, je pense, un peu en avance, mais c'est long pour changer les pièces. Est-ce que tu viens pour les vendanges? Dormir avec toi, c'est l'ivresse. J'y essaie, je pense, un peu en avance, mais je suis sous pression et ça me presse. Pour tes vacances, viens aux vendanges. Pas de problème, je te payerai quand même. Est-ce que tu viens pour c'est long pour changer les pièces. Est-ce que tu viens pour les vendanges? Dormir avec toi, c'est l'ivresse. Tu y essaies, je pense, un peu en avance, mais je suis sous pression et ça m'oppresse. Est-ce que tu viens pour les vendanges? dur. Plus ça monte, plus c'est dur. Plus c'est plat, plus c'est dur. Les bagnes cloud, c'est dur. Le joli verre au bar, le voilà le joli verre. verre en bouche, la voilà la jolie bouche. Bouche, bouche en bouche, on le bat, la voilà la jolie bouche, on bat, la voilà la jolie bouche. De bouche en ventre, le voilà le joli ventre. Ventre, ventre, ventre, on le bat, le voilà le joli ventre, on bat, le voilà le joli ventre. De ventre en terre, le voilà la jolie terre. Terre, on le bat, le voilà la jolie terre, on bat, le voilà la jolie terre. La voilà la jolie vigne. Vigne, vigne, vigne, on le va. La voilà la jolie vigne, on va. La voilà la jolie vigne. Et voilà la jolie vigne. Ah, we're back on Yeah. Well, I'm glad you didn't sing during the break. Because, yeah, no. Mm-hmm. Yeah, it was not really obvious. No? No, I mean, you sing pretty well when you're in your shower, I'm sure, yeah. But mm-hmm. Well, at least nobody's there to witness it. No. So. All right, so we just listened. Well, yes, we have neighbors. Yeah, well, I guess. we just listened to a song called, the first one was Presque Pareil, Almost There, Est-ce que tu viens pour les vendanges, and it's a parody. Mm-hmm. Then we listened to Les Houilles avec La Vendange, and then Robert Latreille was the last one with La Vigne au Vin. And voilà. It was very pitchy. Jovial. Yeah. All right. A little bit later, not right now, but we're going to have some tickets to offer for the Sense, game. So mm-hmm. I'll give you some more specific a little bit later when I have my phone open at the right place. That will help. Family tickets. Yes, family tickets. So we have two sets of family tickets that can go up to 4 people. So nice. That'd be nice. Well, yeah, like super nice. Even if you don't like it, the experience is nice. Yeah. Plus, it's fun. The Saints. So, oh yeah. And the stadium is nice too. It's a nice location. Lots of, you know, bars and restaurants around and things like that. So, all right. So we're gonna listen to more songs. Now we're gonna listen to Les Charlots. Ah. Yeah. L'Apérobique. No. No. Ah. Yeah. I put L'Apérobique at first, and I thought. Well, that's not really about vendange. Right, it's more about drinking and being a drunker. Mm-hmm. It's the one I selected is Vive le Pinard. Ah, that's not as no. And then after that, it's going to be Tino Rossi with A le petit vin blanc. Oh, it's qu'on boit sous les tonnelles. Tino Rossi. C'est un classique. It's a classic one. Classique. Then Émile Prudhomme with Encore un petit verre de vin. Ah ben, allez. Another glass of wine. So, all right. On y va. Étonnant qu'il soit allé au Prud'homme. Non, il est probably not sober. Non. Salut les Blobites. Salut, chef. Salut, chef. Je vais vous apprendre un petit truc auquel rien ne résiste. Je vais vous faire puiser dans les chiottes avec un balai. Vous allez pas me faire gueuler un animateur. Non, une vieille chanson, comment vos vieux temps. Allez, on y va. Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar. Une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est vive le pinard. Hop, le pinard, c'est de la villa. Plus fort, c'est là où ce que ça passe. Allez, vas-y, pinard, remplis mon cœur. Vive le pinard, vive le pinard. On tue les poux avec quoi? Avec un marteau, tu m'en feras deux avec de l'insecticide. On tue les puces avec quoi? Avec un pétard, avec du coltard, tu m'en feras trois. On tue les rats avec quoi? Avec une bombe, chef. Je vais te bomber la guéritinière avec des acides et le cafard en buvant du pinard. Et le pinard, c'est de la vinasse. Ça réchauffe là où je veux ça passe. Oh, vas-y, pinard, remplis mon cœur. Vive le pinard, vive le pinard. On tente jamais pour avoir de l'allure. On tente des pièges pour prendre leur renard. On tend son arc pour avoir la main sûre. Moi je tends mon verre pour avoir du renard. Du pinard, tu m'en feras deux toi. Pinard, c'est de la pinasse. Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon car. Vive le pinard, vive le pinard. Encore plus fort. Le pinard, c'est de la pinasse. Ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y pinasse, remplis mon car.

So the first one was Les Charlots, which were humorists too and comedians, mm-hmm. with Vive le Pinard, mm-hmm. Yeah for Cheap Wine. Then Tino Rossi with Ah le Petit Vin Blanc. And this song has been covered by so many people. I mean, I had close to 10 versions. But Tino Rossi is a big classic. And my grandfather on my mom's side, which I didn't really know because he passed away when I was one, he thought the world of him. Oh, yeah. Yeah. Same with my grandpa. Yeah. My dad loved Tino Rossi. Tino Rossi. Yeah. And any people from they were like, you know, from World War II generation, but mm-hmm. any singers from the 60s and stuff, they were good for nothing. Right. So after that, it was Émile Prudhomme with Encore un petit verre de vin, another glass of wine. So we are celebrating wine and vendange. Yep. So popular harvest of a popular festival. Yeah. I had a friend of my parents who was going each year. To do the harvest, to work on it, and it was hard work, but it was different work than what he was doing. He was a mechanic, so, you know, it was more physical and just stuff. Just took some time off and went, Il y a aussi les vendanges de l'avenue Montaigne, but that's not really the same thing. No. Mm-hmm. No. You know, there were some vines on Montmartre. Of course, they still are. And they still do the vendange. Yeah, they do. And there's always some kind of a celebration. Mm-hmm. Yeah, there are some, but a lot less than I think they used to be. And That's true, but it's very small. Personal reserve, because Paris has a quite a history of being at siege. So I think they figured, So La Commune and... La Commune was not a siege. Well, I mean, there was a lot of barricades and like not being able to move freely. So if you're from town, I suppose you have your personal reserve. Yeah, I guess that helps. Just leg it to Montmartre. Yeah. All right. One thing that... we have tonight, and I talked about it, is that we have, for you dear listeners, the chance to win tickets to tomorrow's St. Paul Saints baseball. It's the Pride at CHS Field. That's right. And so you just have to call us, and we have two family packs for four people total. Yes. In one of the packs. So, for each, yeah. Yeah, it's going to be a beautiful night. It's it's going to be tomorrow. It's going to be against the Iowa Cubs. So that's pretty cool. So call us while the music is playing, and we're going to make it play soon. Yeah. 612-341-0980. And just tell us you want the tickets, and we'll give them to you. We'll just need to have a name, email address, or something like that, and... that'll be it. Not complicated. So, all right. So we're gonna listen to more songs. Cool. Well, you can call for the tickets if you want them. The first one is gonna be from Alain René Georges with "Chanson de Vendange." Mm-hmm. Not lucky, the guy. No. Alain René Georges. Alain René is the first name with the hyphen. The hyphen, and Georges is his last name. So. It's always was confused when people had two first names. So Or three. So first one. Especially that a lot of the serial killers in France have two first names. Do they? Yeah, well, Émile Louis, Guy Georges. I don't know. I don't study them. So and they are not. You don't write to them in jail? No, I don't socialize with them. Oh. Then we're going to listen to another song called exactly the same, Chanson des Vendanges, but it's not the same song. And it's from the chœur mix de Chailly sur Clarence. Oh. Mm-hmm. Bah, dis donc. Chailly, c'est pas chieux, hein? Non. Bah, ça ressemble. Chailly. Ça chaillé. Et after that, we're going to listen to Cantine TV avec Chantons la Vigne. Oh, all right. 612-341-0980 if you want some baseball tickets for the Saints tomorrow. Tomorrow's the game, so make sure you can go. Or you have someone to give them away because... we don't want to let them waste. All right. C'est parti, mon kiki. I didn't do that. Non, moi, c'est Freddy. Yeah. Oh, sorry. C'est parti, mon Freddy. L'automne sourit au flanc des coteaux, en le rouge orgueil des grappes vermeilles. Allons les pogas, hôtes sur le dos, filles emportées, serpes et corbeilles. Et tout en chantant, bras dessus dessous, dans la vigne d'or, prenez la volée. Allez en vendange et dépêchez-vous. Les raisins sont mûrs, les raisins sont doux. N'attendez pas la gelée, allez en vendange et dépêchez-vous. Les raisins sont mûrs, les raisins sont doux. Mordant au frôlant les raisins rosés, les lèvres ont l'air de raisins farouches. Allons les pogas, cueillez des baisers, filles pour cela, tendez-leur vos bouches. Et vers le bonheur au-dessus de nous, vendangeurs d'amour, prenez la volée. Allez en vendange et dépêchez-vous. Les raisins sont mûrs, les raisins sont doux. N'attendez pas la gelée, allez en vendange et dépêchez-vous. Les raisins sont mûrs, les raisins sont doux. Le temps des vendanges et celui d'amour, dure dans la vie une nuit de rêve. Hélas les beaux gars, le bonheur est court, fille la jeunesse est encore plus brève. Et l'hiver blanc fils des automnes roux, glace le baiser qui prend la volée. Allez en vendange et dépêchez-vous. Les raisins sont mûrs, les raisins sont doux. N'attendez pas la gelée, allez en vendange et dépêchez-vous. Les raisins sont mûrs, les raisins sont doux. Allez en vendange et dépêchez-vous. Les raisins sont mûrs, les raisins sont doux. N'attendez pas la gelée, allez en vendange et dépêchez-vous. Les raisins sont mûrs, les raisins sont doux. Yeah. Et voilà, c'est terminé pour cette série. So what did we listen to? We listened to three songs. So the last song was Les chœurs mixtes de Chahy sur Clarence. See? How like can you not laugh when you hear a name like that? Yeah. Unless you're from Shear. Oh, c'est bon, oui. Okay, well, I find a way to get back at you. I'm sure you will. Yeah. You have already. I'm behind. And that was La Chanson des Vendanges. And then we listened to La Chanson de Vendanges from Georges Alain René. And the first song was Prud'homme, Émile Prud'homme, with Encore un petit verre de vin. Youhou! Voilà, voilà. Alors, we have a quick announcement and then we will play some more songs. All aboard! Every Saturday morning from 4 to 6 a.m., you can take a ride on the Big Blue Train with me, Mark Slim Stevens. It's a musical freight train filled with 16 tons of red hot blues, soul, and roots rock and roll with the best in classic and current roots music. That's the Big Blue Train, right here at KFAI 90.3 FM, Saturday mornings from 4 to 6 a.m., or you can stream it anytime worldwide at kfai.org. Et voilà, thank you for listening to this announcement on Bonjour Minnesota. We'll listen to four songs. We'll listen to Chantons la Vigne from Contine TV, and then Pierre Perret avec Le Vin, and finally Johnny Hallyday, Il faut boire à la source, 1971. And then we'll listen to Hervé Villard avec Le Vin de Corse. Voilà. Chantons la vigne, la voilà la jolie vigne. Vigny, vignon, vignon, le vin, la voilà la jolie vigne au vin. La voilà la jolie vigne. Jolie vigne, vigny, vignon, vignon, le vin. La voilà la jolie vigne au vin. La voilà la jolie vigne. De tes ancêtres, la voilà la jolie vigne. Vigny, vignon, vignon, le vin. La voilà la jolie vigne au vin. La voilà la jolie vigne. Voilà la jolie vigne. De pousses en feuilles, la voilà la jolie vigne. Vigny, vignon, vignon, le vin. La voilà la jolie vigne au vin. La voilà la jolie vigne. Dans sa largesse, un trou sous le nez pour baiser nos maîtresses, pour compléter son souhait divin. Il voulut qu'on y verse de temps en temps un verre de vin. Je cherche une fillette en vain qui m'aime autant que j'aime le vin, qui boira mon Bourgogne et mon Bordeaux, mon Saint-Julien. Et leur violente sève coulera le feu dans nos reins. Claque ta langue, fille de Bacchus, contre la mienne et gloire à Vénus, tandis qu'elle goûte

emporte dans la région de Corte et les guitares racontent que l'empereur avait choisi l'honneur pour effacer la honte. Je suis sous ta fenêtre, ivrement, la musique de la fête tourne encore. Le vent m'emporte dans la région de Corte et mon amour est mort. Le vin de Corse m'avait donné la force de t'avoir dit je t'aime. Le vin de Corse me réchauffe le corps et tu n'es plus la même. Les bateaux se baladent dans l'eau bleue de la mer ajaxienne et dans mes yeux. Le vin de Corse a des reflets soleil, couleur des jours heureux. Dans la lumière, il y a des amours tout autour de moi. Moi j'ai fait le tour de la terre, c'est rien sans toi. Encore un verre, ce soir je te dirai pourquoi je bois. Pace, salute, et salute, pace. Le vin de Corse m'avait donné la force de t'avoir dit je t'aime. Le vin de Corse me saoule comme un gosse et tu n'es plus la même. Sous une pluie d'étoiles, j'ai envie de jouer avec le feu cette comédie. Mais toutes ces femmes qui te ressemblent un peu m'entraînent dans la nuit. Je suis sous ta fenêtre, ivrement, la musique de la fête tourne encore. Le vin de Corse m'avait donné la force et notre amour est mort. Le vin de Corse m'avait donné la force de t'avoir dit je t'aime. Le vin de Corse me saoule comme un gosse et tu n'es plus la même. Je suis sous ta fenêtre, ivrement, la musique de la fête tourne encore. Le vent m'emporte dans la région de Corse et notre amour est mort. This is the Minnesota Dose on KFAI, sharing news and information about COVID-19. As the Delta variant of the SARS-CoV-2 virus continues to spread, the Minnesota Department of Health is raising awareness of monoclonal antibody treatments. These treatments are currently designated for those with immunocompromising conditions who test positive for COVID-19. The purpose of monoclonal antibody treatments is to prevent hospitalization or death from COVID-19, regardless of vaccination status or severity of symptoms. So how does it work? This outpatient treatment provides additional antibodies that we use to interfere with the novel coronavirus's ability to attach to our cells. To be most effective, this IV infusion treatment must be administered within 10 days of experiencing COVID-19 symptoms. To see if you're eligible for a monoclonal antibody treatment, you can visit health.mn.gov/covidmeds or ask your healthcare provider. For the Minnesota Dose on KFAI, I'm Ryan Dawes. Minnesota Dose. Voilà. So exactly. What did we listen to, Freddie? So we had several songs because we had to do some catch up. The last series, there was not as many. So we did listen, I think we stopped at Pierre Perret, right? Didn't we start with Pierre Perret on this series? Listen to Hervé Villard. With Levin. Yep. So we had Pierre Perret with Levin. Then Johnny Hallyday with Il faut boire à la source. You have to drink at the source of it. Mm-hmm. And then Hervé Villard with Le Vin de Corse. Qui le yeah. saoule comme un gosse. Yes. You know, it's to his own. Mm-hmm. True. All right. Well, we still... nobody called, so you tickets. You still have a chance to get tickets for the Saints. So Baseball Saints, it's tomorrow night. It's the Pride game, and it's at 7:05 p.m. Don't come at 7. Don't come at 7:10. Come at 7:05. No, I'm kidding. But yeah, it's at CHS Field. So yeah, you can take advantage of it. Just call us. 612. This is going to be nice. Yeah, the weather will be nice. Yes. Well, we don't know about the game yet. No. Oh, yeah, Iowa Cubs. Hmm? They're going to play the Saints are going to play the Iowa Cubs. Oh, okay. So, yeah, 7 p.m. Call us, 612-341-0980. We have a two-family pack of four. You know, I don't think they're going to ask for, how do you say that, an arbre généalogique? Mm-hmm. Yeah, they're not going to ask for proof of family, so... I think you should be fine if you come with friends. Well, no, you have to go with your birth certificate. Do you? No. No. That's what I thought. And yeah, so feel free to call us and we'll play some music. We're going to play Marie Laforêt with Le Vin de Corse. Then. Oh, that too? No, c'est Les Vendanges de l'Amour, actually. Ah, oui. Mm. And François Budet with Les Vendanges Tardives, featuring Yael. And we'll come back to you. On y va. C'est parti. All right. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Referons ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui, je sais que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui ce soir tu ressembles à l'amour. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. La la la la la. comme des oies sauvages en quête de rivage pour y poser leur vol au terme de l'errance. Nous avions attendu dans la sérénité, et puis le temps venu, nous avions espéré que ce maillot d'amour, un peu hors de saison, vienne récompenser l'attente de cueillir. Au déclin de l'été, des vendanges tardives, au déclin de l'été, des vendanges tardives. Avec un chien vautré au fond du canapé, il découvrait Clapton, Mozart et John Lennon. Des matins bousculés, des retards à l'école, quelques années plus tard, dans les chaos du Gouët. Où tous les mercredis, c'était Indiana Jones, l'entrée du souterrain, on l'a jamais trouvé. Les vendanges tardives emplissaient la maison, les vendanges tardives emplissaient la maison. Des notes déchirantes à l'anche d'un saxo, des gammes égrenées aux touches d'un piano. Au début de l'été, à la fin du lycée, dans le pré d'à côté, les tentes fleurissaient. Les résultats du bac, on les a bien fêtés jusqu'au bout de la nuit. Et vous n'avez rien dit. Nos vendanges tardives avaient de bons copains. Nos vendanges tardives avaient de bons copains. Les retours espérés pour le vendredi soir, les repas du dimanche, un chien qui fait la fête. Et le chat tout ravi de revoir ses amis, les soirées sous la vigne à la fin du mois d'août. Après de longs voyages devant la cheminée, on retrouve nos places au fond du canapé. Vendanges tardives reviennent à la maison. Nos vendanges tardives reviennent à la maison. And we have a winner. Yes. Congratulations to Erin. So good job. Thank you for calling. So she got three tickets for the celebrating Pride at CHS Field with the Saints. It's tomorrow night at 7 p.m. and at 7 p.m. So, and it's free. So we still have a set of four. Yep. So if you want some, you can still call. Yeah, you got to call when the music is playing. So not now, but in a few soon. Minutes. Yeah, in a few minutes. So write down our phone number, 612-341-0980. And we're going to play another set of songs. Actually, we're going to do the announcement, the 9 yes. o'clock. Yeah. So let's are you guys ready to do it? Mais bien yes. sûr. All right. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul, et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et vous pouvez nous contacter comme Certains l'ont fait aujourd'hui au 612 341 0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. You're listening to Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM Minneapolis St. Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, and tonight win some tickets for the Saints tomorrow night. Just give us a call at 612-341-0980. All right, so we're going to listen to more songs. But before that, I wanted to say that Paris beat Lyon this weekend. Yeah. So 1-2 with the last goal from Paris was at the 92nd minutes. Whoa. Yeah, it was like pretty like unexpected and... Yeah, the last thing. Otherwise, they would have gone a draw with Lyon. It would have been okay, but... Yeah. And so I got some flack from Patrick at San Lyon. Blah, blah, blah, blah. Because, you know, Neymar fell and got a penalty. So, but anyway, we'll see that in October 24th. Yeah, Actually, it's not only just the Rolling Stones. We started at the same time. Le Classique. Yeah, Le Classique. No, it's going to be in the afternoon. Yeah. So if you want to go to Le Classique and the Rolling Stone, you can. Well, and so that's pretty awesome. Paris is doing well. And also go Loons, because the MNUFC won 3-0 against the LA Galaxies last weekend. Yeah, thank you for Ibrahimovic to go away. I went to see the game when he was there. I really wanted to, and I went with Eric, and Eric was not interested at all, but just seeing Ibra was worth it. Yeah. He scored one and he had an assist, but it was not super exceptional, but it's still interesting to see. Anyway, so that was pretty good. And last night I was at a concert at 7th Century to see Algier, and it was pretty good. I really liked them. Yeah. And the first part, Zen Mother, was pretty good as well. Good. So, I liked it. That was awesome. It was, Monday night. It was not very busy. Mm-hmm. So everybody had mask on. Yeah. Except people who were drinking. So. Yeah. So you? Well, I didn't drink all the time. Yeah, there's sometimes I was not, so I put my mask on. Mm-hmm. And I put it on to go refill. Yeah. So, that was good. Good time. What are we going to listen to now? Well, we're going to listen to a band called Kid Vinyl. Mm. And it's called Le Vin, or the wine. And we're going to listen to another band called Peste Noire, or the Black Plague, mm-hmm. Quand je bois du vin, when I drink some wine. And then we're going to listen to Juliette with Petite Messe Solennelle, a little mass. Mm-hmm. I've not listened to Juliette in a while. No, but that's the only song I have. Okay. So maybe that's there's something to it. All right. And just a reminder, we still have a set of 4 tickets for the Saints games tomorrow night. And it's free. So 612-341-0980 while the music is playing. And it's going to play now. C'est parti. Dans une villa, il y avait

My understanding is it's going to be Jean-Paul Belmondo because it just passed away, and it's going to be Léon Morin Prêtre. Oh, yeah. Which we saw it together. Were you with us, Adrien? Yes, I was. Yeah, we saw it at the Trilon. Nice. Then there's going to be a post cafe on the 25th, from 9:30 a.m. to 10:30 a.m. And it's a conversation group. Yeah. What else we got? Les Jeunes, après-midi au lac. It's September 25th from 3 to 4 p.m. And it's for the teenagers. Mm-hmm. And typically, there's never any fee for the teenagers' stuff. It's free. Yeah. Well, we're not supposed to say that. And if you have a teenager and want to speak some French and things like that, even if he doesn't, mine doesn't really speak French, and he attended some of the clubs. On the 25th, afmsp.org. On the 26th, Fall Fashion Fundraiser. And that's the fourth annual fashion show fundraiser featuring local designers and boutiques. It's from 10 a.m. to 12 p.m. And again, afmsp.org if you want more information. All right, that's all for the events that I'm aware of. Well, thank you, Freddy. I think we have some tickets to win also for tomorrow at the Saints game. Yay. CHS Field. And we have a phone number to call. And I would like Romain. Oui. To say the phone number in English and in French for everyone to hear. Okay. So it is 641-341. Well, that's not the right one. The one you're showing me is not the right one. That was a curveball. That was a trick. It is 612-341-0980. Yeah. 612-341-0980. 612-341-0980. Just call us and we'll give you... 341-0980. Just call us and we'll give you some sense tickets for tomorrow, 7 p.m. Voilà, and we're going to listen to a few more songs so you can call us. We're going to listen to Dédé 1949 to start, and then Georges Brassens, and then Mes souliers sont rouges, le cycle du vin. Eh ben, très bien. On y va. Tout un programme. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, ô chair déshéritée. Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un champ plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut sur la colline en flamme de peine, de sueur et de soleil cuisant pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme. Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant, car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux. Et sa chaude poitrine est une douce tombe où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant, les coudes sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras et tu seras content. J'allumerai les yeux de ta femme ravie, à ton fils je rendrai sa force et ses couleurs, et serai pour ce frêle athlète de la vie l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi je tomberai, végétal ambroisé, grain précieux jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur. Congratulations, Patrick Hensel, for winning the baseball tickets.

bouche. Bouchy, bouchon, bouchon le vin. La jolie bouche au vin. Bouchy, bouchon, bouchon le vin. La jolie bouche au vin. La bouche en vente, le voilà le joli ventre. La bouche en vente, le voilà le joli ventre. Ventre, ventron, ventron le vin. Le joli ventre au vin. Ventre, ventron, ventron le vin. Le joli ventre au vin. Du ventre en pisse, la voilà la jolie pisse. Du ventre en pisse, la voilà la jolie pisse. Pissi, pissons, pissons le vin. La jolie pisse au vin. Pissi, pissons, pissons le vin. La jolie pisse au vin. La pisse en terre, la voilà la jolie terre. La pisse en terre, la voilà la jolie terre. Terre, terron, terron le vin. La jolie terre au vin. Terre, terron, terron le vin. La jolie terre au vin. La terre en vigne, la voilà la jolie vigne. La terre en vigne, la voilà la jolie vigne. Vignon, vignon, vignon le vin. La jolie vigne au vin. Vignon, vignon, vignon le vin. La jolie vigne au vin. Et voilà, nous sommes de retour sur Woohoo. Bonjour Minnesota. So what did we listen to? You just listened to the cycle of wine. Mes souliers sont rouges. And then before that it was Georges Brassens with Le Vin. And the first song we listened to was from Dédé, 1949, L'âme du vin, the wine's soul. It's actually a poem from Charles Baudelaire, but he took a guitar and, you know, put it in as a song, you know. So. Very cool. Other examples, like Le Pont Mirabeau, by Marc Lavoine, put music on an Apollinaire right. poem. Yeah. Well, Ferré must have done it too. Oh yeah, and what's his name with Aragon, Reggiani, and we'll do another. Oh, and Jean Ferrat with Aragon. Yeah. We'll do another show on poetry, and we'll be a little bit broader than Jacques Prévert. But we had enough material to talk about Prévert, that's for sure. We could have done that over like two or three shows. Yeah, but. Yeah. There's so much I can take on poetry. And it's nice to vary a little bit. So, yeah. So, we had two winners tonight. Congratulations to both of you for winning the tickets for tomorrow's game at the Saints. Yeah. Enjoy. It's going to be a nice night. Exactly. Voilà, and then we're it's 9:33 here in Minneapolis and St. Paul, and we can listen to a few more songs. Oh yeah, well, we have a Je veux mon neveu. All right, we're here every Tuesday night, so then we're gonna hit you with some Sébastien Perrin, La Bourrée des Vendanges, and then Tandem with Vieille du Berry, Les Vendanges, Vielle du Berry. Et la liqueur de Touraine, le vin de Chinon. Yeah, that's very traditional songs from France in the country. And vielle is actually hurdy-gurdy. So it's a traditional instrument. Oh, yeah. In the Berry. Yeah. So we'll listen. What's it called in English? Hurdy-gurdy. Hurdy-gurdy. Yep. What? Good. Someone's done some research from the Berry region in France. No, but la vielle is a traditional medieval instrument. Yeah, you find it in Brittany also and some other areas. With a little crank. Thank you. jusqu'à l'olive et de l'olive à travaux. Le long d'une bergerie que l'on voit à pays charmant. C'est la côte tourangelle où mûrit rouge moisson. Moisson qu'un tourné appelle le champ d'air de Chinon. Merci donc à toute pleine de ce vin car il est bon. Buvons à la Touraine et buvons au vieux Chinon. À la Touraine, à la Touraine, à la Touraine, à la Touraine, à Chinon. Ainsi que fait la louette en montant vers le ciel bleu. Je livre ma chansonnette aux des enfants de ce lieu. C'est l'amitié qu'elle chante, c'est l'espoir du lendemain. Le calme après la tourmente et l'amour du genre humain. Mais c'est donc la coupe pleine de ce vin car il est bon. Et buvons à la Touraine et buvons au vieux Chinon. À la Touraine, à la Touraine, à la Touraine, à la Touraine, à Chinon. Et voilà, nous sommes de retour. Et voilà, oui. Voilà. Après avoir entendu de la vielle, hurdy-gurdy. Yeah. Tout à fait, voilà, France got talent after that. I can say proud and loud, France yeah, got talent. And I was talent. Talking about a musician called William Deck, who he's doing hurdy-gurdy, but it's an electric one. Mm-hmm. So it's more rock than that this traditional version, because he's using it like a regular viel or hurdy-gurdy, but he's also like doing some picking and doing some like using an arche like a violin and things like that. So they were going at it because there was no lyrics on that song. Yeah. it's really just the viel. So the first song we listened to was La Bourrée des Vendanges de Sébastien Perrin, and then the viel du Berry, that Celtic instrument. Hurdy-gurdy. Voilà, thank you, merci. Mm-hmm. Someone has done clearly some research that I haven't done. And then from Tandem. And last but not least, we listened to Le Vin de Chinon, which was from La Liguère de Touraine. Voilà. Donc, on va continuer. We'll continue on this good series. We have a few more songs coming your way. La vigne au vin, plantons la vigne, chanson à boire, and then nous avons un chant scout, le vin gaulois, and the third song we're going to listen to is La très illustre compagnie du chat noir avec la vendange. Eh bien, on y va, c'est parti. Vive le vieux vin de vigne, le vieux vin gaulois. T'entends terre et ciel, chaîne, feu rouge et soleil. T'entends glaive clair, flot de sang vermeil. Mieux que guerre ou pas de pomme, bien vaut pas qu'on loi. Mieux que guerre ou pas de pomme, mieux vaut pas qu'on loi. T'entends terre et ciel, chaîne, feu rouge et soleil. Mm-hmm. guérison, mais cette eau si mauvaise. Toujours la guerre continue, l'homme la victime de lui-même. Année de travail, on n'est pas avancé, pas si civilisé, la bonté inventée. Année de fortune, on a des montagnes d'or, mais c'est pas pour chacun, seulement pour soi-même. L'homme reste toujours animal. L'homme reste toujours animal. Et voilà, nous sommes de retour. Plus pour longtemps. Voilà, après la très illustre compagnie du chat noir, la vendange. Yeah. And before that, we listen to Le Vin Gaulois. C'est un chant scout. And the first song we listened to was La Vigne au Vin, Plantons la Vigne, chanson à boire. Ah. Bon, alors, voilà. Ils plantent ou ils boivent? Ils plantent et après ils boivent. Ok. Et ils boivent et après ils se plantent. Ça, ça arrive aussi. Sur le trottoir. Yeah. Bon, ben écoutez, we're gonna listen to an announcement and we're gonna come back with a few more songs about harvesting wine. And because then it's a in season. Like 8 minutes, Nikolai will join us. Well, exactly. Not us, but we'll be in the studio for Balkan Jamboree. Voilà. We're gonna listen to Pascal Obispo with Millésime, a live version from 2014, released in 2014. And then we'll listen to David Warren Solomons with Tour Dion, Quand je bois du vin clairé. And the last one, we'll listen to Sésamone Enfonessine, La Cadence des Vendanges. The name was challenging, hey? Voilà, we'll listen to an announcement right now. Thanks for listening to Bonjour Minnesota. Programming on KFAI is supported by Southside Pride Monthly Newspaper. Locally owned and operated, Southside Pride supports the racial and cultural diversity of the many neighborhoods that make up South Minneapolis. More information is available at southsidepride.com. Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe. Et je vois mon château sortir du cœur de vigne. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je suis à jamais ta terre, c'est ça être père. Après autant d'amour, la saison des vendanges, on récolte le fruit, le meilleur des mélanges. La bouche est ronde et pleine, et le nez si discret. Quel prénom allait-on bien pouvoir te donner. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur en prime que tu m'as donné. Je je suis à jamais ta terre. C'est ça, être père. Je ne sais pas de quoi notre histoire sera faite, mais je me sens porté. Un jour est une fête. Quelques notes légères, des regards qui caressent, où je gagne en amour comme on gagne en noblesse. C'est ça, être père. C'est ça. Voilà, it's time to say good night. Bonne soirée, bonne nuit. Thank you for listening. Thank you for listening. Merci d'être fidèle. And we'll be in the studio next week from 8 to 10, like every Tuesday night. Follow us on social media, even though I cannot post for another 5 days. But we can. Soon enough. No one's counting. No one's counting. Yeah, and all the shows are recorded. So if you get bored and want to listen again, go to kfai.org. Yeah, and stay tuned. Listener supported. Yeah. For Balkan Jamboree with Nikolai. Bye. Bye.